Depuis jeudi dernier, on est tous vraiment contents au Québec. Les amateurs de baseball du Québec sont fiers d'avoir Abraham Toro performé avec les Astros de Houston. Il a joué 4 matchs actuellement avec les Astros. Et question de savoir un peu comment la famille vit ça actuellement. On parle avec son frère Douglas Toro. Bon après-midi, Douglas. Bon après-midi, merci beaucoup de cette rencontre. Douglas, si on parlait un peu, comment la famille vit ça actuellement? Je sais que j'ai écouté ta mère hier au 98.5, elle était vraiment excitée, elle a passé la fin de semaine à Houston. Comment t'as vécu, comment toi et ta famille, tes frères et sœurs vivent le fait qu'Abraham a atteint la Grande Ligue maintenant? C'est beaucoup d'émotions, aussi beaucoup d'inquiétude, d'incertitude, parce que c'est ça, c'était vraiment une étape à franchir, mais une étape parmi d'autres étapes qui s'en viennent. Comme rester avec l'équipe, c'est une équipe, Houston, tout le monde le sait, c'est peut-être la meilleure équipe de Ligue majeure aujourd'hui, là. Fait que c'est super excitant de le voir là. Mais Abraham, maintenant, c'est pas son but, c'est pas juste d'être là maintenant, c'est de rester avec l'équipe là pour les séries éliminatoires. Puis tu sais, pour être franc avec toi, c'est vrai, ça sera pas facile pour lui. Mais c'est pour ça qu'on est un peu stressé, je te dirais, là, parce que ça allait tellement bien pour lui qu'on s'attendait qu'il allait monter des majeures. Puis là, c'est comme, OK, est-ce qu'il va rester des majeurs? Puis c'est pour ça qu'on est vraiment stressé. Beaucoup d'émotions par rapport à ça, là, puis on appuie beaucoup là-dessus. Mais en même temps, c'est quand même rapide, pareil, Douglas, parce que tu me dis, j'en parlais justement avec Jacques Doucet la semaine passée, j'ai été surpris, il faisait même pas partie de la liste des 40. Certainement que le fait qu'il était dans le 3, ça l'a, puis qu'il a performé au-delà de 400, ça a dû aider aussi son rappel, là. Ah, 100%, puis c'est vraiment, là, Abraham, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'aura pas donné le choix, t'sais. Le baseball aussi, c'est de plus en plus jeune. Fait que je dirais que maintenant, on va voir une équipe avec beaucoup de jeunes joueurs. Là, c'est là où on s'en va. Fait qu'ils veulent vraiment avoir la chance aux jeunes de dire, OK, avant, ils pouvaient laisser les jeunes des mineurs quelques années, même s'ils performaient bien. Là, maintenant, je te dirais qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont les faire monter parce que on peut voir les Jays aussi, là, Guerrero, Bichette, Abraham, il y a d'autres jeunes aussi là qui ont monté. Fait que oui, effectivement, là, c'est vraiment du jour au lendemain parce qu'ils n'étaient pas dans le ressort du cadre de 40 à vraiment faire partie de l'équipe de Ligue majeure, mais encore une fois, aller frapper, je pense, 425 là, en 19 games dans le 3, fait qu'il n'aura pas donné le choix de monter. Là. Le déclic s'est fait où dans le cas d'Abraham? Est-ce qu'il s'est fait à la Ligue de l'Arizona l'année passée, ou est-ce qu'il a été vraiment dominant, ou encore au camp d'entraînement? Mais un point que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'Abraham, c'est un nouveau frappeur ambidextre. OK. Ce n'est pas, il n'a pas fait ça toute sa vie. Fait que, qu'est-ce que je voulais par là, c'est qu'il a commencé, là, de mémoire, à 15-16 ans, à frapper de la gauche. C'est quand même nouveau, là, vraiment à 22 ans. Fait que 8 ans d'expérience de la gauche, c'est pas beaucoup, là, si on le compare à de la droite, où il a frappé toute sa vie. Fait que lui, il avait beaucoup d'ajustements à faire, parce que là, c'est sûr qu'il a commencé à frapper de la gauche quand même assez vieux, là. C'est rare des gens qui ont commencé à 15-16 ans pour changer de trucs. On frappait de la droite, étant bidex. Il faut que tu pratiques deux fois plus. Après ça, c'est l'adaptation, justement, de le faire constamment, d'être bon. Puis là, c'est le faire dans le pro aussi. Là. Fait que je dirais que son swing est encore nouveau. Puis moi, je considère qu'il est encore nouveau, son swing. Là. Fait qu'il y a beaucoup d'améliorations. C'est pour ça que c'était très graduel, je te dirais, là, les saisons d'Abraham. Tu vois, qui s'améliorait année après année. Là. Puis cette année, c'est là que ça a débloqué. Mais il y a encore de la place, je te dirais. Là. OK. Qui a vendu l'idée de devenir un frappeur ambidex? Mais je te disais, nous, on pratiquait beaucoup. Moi, j'étais vraiment ambidex, là, mais là, ce que j'ai pas fait, c'est ce que lui a fait. C'est que j'ai jamais essayé dans une game. J'avais peur. C'est sûr que tu veux pas, quand tu habitues le monde d'un côté, puis d'un des meilleurs joueurs, puis là, tout à coup, tu te retrouves à frapper de la gauche, puis pas nécessairement être dans des tops. C'est ça, je pense, qui a arrêté Abraham de le faire, là. Tu sais, moi, je dis, Abraham, let's go, vas-y, ça va justement changer, là, ta carrière, parce que on s'entend qu'il y a beaucoup plus de lanceurs droitiers que de gauchers. Puis aussi, tu sais, pour vraiment, surtout pour les balles courbes, là, le balle des sliders aussi, là, l'angle où ce que tu vas voir la balle quand tu frappes la gauche, puis le lanceur droitier, mais c'est beaucoup plus facile à frapper. C'est là mon expérience qui est droitier avec ces pitches-là. Puis le baseball majeur maintenant, là, c'est beaucoup d'outspeed, là. Beaucoup de cutter qu'on appelle slider, curveball, fait que ça l'avantage énormément. Puis je dirais que pour moi, je pense que c'est ça qui a changé sa carrière complètement. Là. OK. Le poste de receveur, il l'a essayé, hein? Puis ça n'a pas marché défensivement. Il était mal à l'aise, quoi? Mais c'est parce que c'est nouveau. Tu sais, les, ouais. Maintenant, les receveurs aussi, ce qu'ils essaient de faire, c'est d'amener, puis même avec les lanceurs aussi, c'est que dans le baseball, comme tu dis, le baseball est rajeuni beaucoup. Ils essaient vraiment d'amener des gars jeunes avec des jambes fraîches. Tu sais, au lieu d'amener des gens qui avaient 10 ans qui catchent, ils vont amener des gens que OK, on va te commencer, t'as jamais catché, fait que t'as des jambes qui sont fraîches. Tu peux en prendre. Puis ils vont amener des athlètes. Mm. Pas n'importe qui, un shortstop, un troisième but, un deuxième but, ouais. Des gens qui sont capables de bouger. C'est sûr, ça prend un bon bras. Puis tu sais, Abraham, ce qui est arrivé, c'est qu'il a fait ça en quelques temps, mais il frappait beaucoup trop pour être catcher. Un catcher, souvent, là, c'est quand t'as pas nécessairement le bat pour jouer dans une autre position, mais c'était pas son cas, fait qu'ils ont laissé faire. Ouais. Puis c'est pas non plus, il faut que tu apprennes à bien diriger les lanceurs. Si Abraham, c'était pas sa priorité ou encore il commençait, c'était ça pouvait être difficile, là. Ouais, mais c'est ça, il commençait comme tout le monde, là, mais c'est pas ça que tu sais, avec les pros, là, puis t'as le coaching staff et tout pour ça. Mais je dirais qu'il a vraiment frappé à tous les niveaux. Il a fait les équipes d'étoiles à tous les niveaux. Fait que Houston, ils ont vraiment lâché ça rapidement. Là. Ça n'a pas duré longtemps. Là, fait que. OK. Parle-moi de. Est-ce que, d'après toi, il va rester longtemps à Houston parce que tu as Springer, tu as Correa, tu as Altuve qui peut jouer au deuxième but. Lui, il peut jouer également au premier but. Tu as Alvarez, Jordan Alvarez. Est-ce que tu vois sa carrière à Houston ou tu penses qu'il va servir de monnaie d'échange? Parce que moi, je vais être honnête avec toi, je m'attendais qu'il allait passer dans une autre équipe le 31 juillet. Ouais. Et de ça, je me demande pourquoi les Blue Jays, dans toutes les n'ont pas essayé de l'avoir. Ben, ils ont peut-être essayé, on ne sait pas, là. Mais tu penses-tu le voir toute sa carrière à Houston? Mais tu sais, la question, parce que je parle toujours aux gens, c'est pas plus facile ailleurs non plus. Là. Ouais. Tu sais, quand t'es un joueur Major League, c'est pas juste un. Hein? T'as peut-être plus d'opportunités, par contre, d'une équipe plus faible, t'as un poste de troisième but, et ainsi de suite. À Houston, il y a de la profondeur. Mais, je te donne un exemple, les Padres, c'est pas vraiment une bonne équipe, ils ont signé Manny Machado, troisième but. Fait que, tu peux pas savoir ce que les plans de l'équipe, si ça peut changer d'une journée à l'autre, oui, effectivement. Les Jays, c'est un exemple, les Jays, c'était plus une grosse équipe. Là, tout à coup, boum, t'as Vladimir Guerrero Jr., t'as Beau Bichette qui sont là. Puis ça, c'est arrivé cette année, là. Fait que, les autres équipes ont beaucoup de prospects, là. Si on parle des Marlins, ils ont des prospects. Si on parle des équipes, les Padres, ils ont des prospects. Tampa sont bons. Fait que, c'est pas plus facile ailleurs. Honnêtement, là, tu sais, moi, quand je parle à Brian, je dis, écoute, tu peux pas te comparer à ces gars-là. Tu tasseras jamais des gars établis. On s'entend-tu que ces gars-là ont fait de leur nom? Par contre, ce que lui, l'avantage, c'est que c'est un joueur qui peut jouer partout. Il peut jouer trois, il peut jouer dans le champ, il frappe bien. Les joueurs établis, tu compétitions pas avec ces gars-là. Là. Dans le fond, c'est des gars qui ont, encore une fois, ils ont des contrats établis. Bregman, 100 millions, il a signé dans leur season. Altuve, je pense, 150 millions. Correa, ça va être lui qui va peut-être partir. Les gens, ils pensent que peut-être Bregman va jouer au short, Abraham va jouer au 3. À la fin de la journée, là, tu sais ce que j'ai, Abraham, écoute, faut que tu frappes point final. Là. Que tu sois avec les Houston, les Marlins ou New York, ouais, tu frappes c'est pareil. Sûr, puis c'est ça qu'il va garder dans le line-up, puis c'est tout. Là. Si tu frappes, lui, il est super bon en défensive, là. Tu l'as vu, je sais pas si tu as vu les games, là. Il va faire les joueurs en defense. Puis c'est ça qu'il veut, lui aussi. Tu vois, un gars que, qu'on t'amène, même si tu frappes pas, c'est pas grave, mais tu fais les joueurs en defense. Ça, c'est Abraham, là. Fait que, pour le reste, il frappe, il va rester là. C'est pas plus compliqué que ça, mais j'avoue que c'est beaucoup plus difficile à dire qu'à faire. Ouais, effectivement. En tout cas, je peux te dire que le directeur général des Astros, lui, il a dit qu'il voyait, je voyais un petit peu ce qu'on disait. Il pense que c'est un étincelle. Il va amener une étincelle à Abraham, là. Mais effectivement, tu sais, Abraham, c'est du genre qui était toujours dans l'équipe, comme tu disais, dans l'équipe d'étoiles à chaque niveau qu'il a joué. Ça, c'est un autre niveau de plus, puis, tu sais, dans le 2, dans le 3, il a super bien fait. Donc, c'est maintenant de faire l'adaptation des majors. C'est sûr que maintenant, c'est plus les médias, c'est plus jouer à Boston, jouer à New York, jouer à Toronto. C'est oui, il y a le baseball, mais il y a le côté aussi, les gens, tu sais, te connaissent de plus en plus, les entrevues, les amis qui viennent te voir, toute cette distraction-là qu'il n'y avait pas avant. Que lui va comprendre, il va devoir s'ajuster, devoir comment gérer tout ça. Je pense que c'est ça le plus difficile, là, je te dirais. Mais le côté baseball, regarde, les gars, ils lancent à 96 dans le 3 puis les majors. Fait que, c'est pas. Il n'y a pas vraiment utilisé. Je pense pas qu'il y a une grande différence que ça. À part que les gars que tu vois à la télévision, mais tu les connais parce que tu les vois à la télévision dans le 3, tu sais pas c'est qui dira là. C'est juste ça, je te dirais. Ouais, effectivement. T'as-tu l'occasion de parler depuis qu'il était à Houston? Oui, effectivement, j'ai parlé hier aussi, une journée de congé, là. Ouais. C'est sûr que, tu sais, j'essaie de dire, t'as beaucoup de gens qui vont te parler, c'est normal, mais, tu sais, j'essaie de dire, regarde, reste focus dans ce que tu fais, parce que, tu sais, tu veux rester là, puis il y a beaucoup trop de distractions, je pense, pour lui, là, fait que, je sais que c'est pas évident, puis, tu sais, on apprécie que tout le monde s'intéresse à Abraham, mais reste focus, parce que, tu sais, lui veut rester. Là, il a une chance de gagner une série mondiale. Là, fait que, ça serait vraiment incroyable. Lui, il va match par match à quelque part, parce que je sais qu'Alex Agostino, s'est passé, il a dit qu'il y a des grosses chances qu'il reste en septembre. C'est sûr qu'il va rester en septembre. On va monter la liste à 28. Donc, il devrait être là pareil. Mais je dirais que c'est vraiment match par match. Tu as vraiment raison. Pour lui, c'est game 7 de série mondiale. Là. À chaque game, il faut qu'il performe, il faut qu'il monte ses preuves. Puis, c'est là où ce qu'il est rendu aujourd'hui, effectivement. Là. Puis, c'est un peu comme quand tout le monde monte des majors. Là. Ouais. On peut regarder un peu à la loupe sur ce sujet. Douglas, l'année passée, je me rappelle d'avoir fait un entrevue avec Abraham. C'est pas facile, les ligues mineures. Hein. C'est tout que. Et on parlait de comment est-ce qu'ils gagnaient, puis comment ils gagnaient par mois, et fallait qu'ils fassent des sacrifices. Je pense qu'il n'y avait même pas de cellulaire, quelque part. Là. Ils mettaient beaucoup d'argent pour bien manger. Ça n'a pas été facile. C'est un très long processus, hein, jouer dans les ligues mineures. Ouais. Puis, à quelque part, c'est des gens qui se découragent un peu. Hein. Mais tu sais, si on parle du thème le capitalisme, le baseball va te montrer ça à 10 000 %, là. Ouais. Pourquoi j'ai dit ça? C'est qu'exemple, Abraham est allé au spring training, puis il est assis avec des gars qui font 25 millions par année pendant que lui, il y avait un salaire de, je pense, de 1 300 à 1 400 $ par mois. Là. Fait que c'est pas comme si, exemple, moi, je fais 300 000, puis mon coéquipier fait 25 millions. Non, c'est moi, je fais 8 à 12 000 par année, puis lui, il fait 25 millions. Fait que c'est sûr que ces gars-là, la différence est énorme. Là. Puis c'est difficile, effectivement. C'est un grind. C'est vraiment, là, de tu veux pas rester longtemps à la même place, parce que ce que tu veux, c'est de rendre des majeurs, mais c'est difficile pour beaucoup de ces gens-là, parce que tu vis limité, là, je te dirais. Là. Ouais, effectivement. 12-1300 $, quand t'as payé ton loyer, t'as payé ta bouffe, il te reste plus grand-chose. Là, il reste pas grand-chose. Il reste vraiment une ironie énorme. Oui, effectivement. Ben, Douglas, on va suivre la suite des choses pour Abraham. Ce soir, c'est les futurs expos qui sont à Houston. Fait qu'on va suivre ça de très très près. Est-ce que tu connais Maxime Lamarche? Oui. Le président de Baseball Québec. Lui, c'est ça, il est en train de... Parce que c'est un peu ce que je disais tantôt, tu sais, il est en train d'organiser une journée, pendant une journée de congé d'Abraham, ou ce que tous les médias qui veulent le contacter, lui parler. Parce que c'est pas évident. Fait que, je trouvais que c'est une super belle idée, là, comme s'il fait ça d'un coup. Une appel conférence, genre. Une appel conférence, effectivement. Fait que, tu sais, il va citer une date là dans une de ses journées de congé, fait que si jamais tu veux participer, mais tu pourrais lui parler, je sais pas si tu le connais là. Oui, j'ai fait une couple d'entrevues avec lui, fait que OK. Ben merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, c'est super gentil. Voilà, Douglas Thoreau, le frère d'Abraham Thoreau, qui joue avec les Astros et Houston.